sans savoir où meurent les souvenirs. Notre vie défile en l'espace d'un soupir. Nos pleurs, nos peurs ne veulent plus rien dire. On s'accroche. On comprendra d'où l'on vient.